C'est l'extase langoureuse, c'est la fatigue amoureuse, c'est tous les frissons des bois. Parmi l'étreinte des brises, c'est vers les ramures grises, le cœur des petites voix. Oh, les frais murmurent, cela gazouille et susurre, cela ressemble au cri doux que l'herbe agite et expire, tu dirais sous l'eau qui vire, le roulis sourd des cailloux. Et cette âme qui se lamente en cette plainte dormante, c'est la nôtre, n'est-ce pas, la tienne, oh oui, la mienne, d'où s'exalte l'âme ancienne par ce tiède soir tout bas. Le vent dans les plaines suspend son haleine, à divers laines, casse la mienne, casse la mienne. Thank you. C'est l'ironie qui le ronge, c'est la folie qui nous frôle. Quand dans la nuit il nous plonge, seul dans une mer d'alcool. Ivre de son pouvoir, il saoule la démocratie. La gueule de bois, il va l'avoir, la gueule du loup, on va l'ouvrir. Immigration choisie, on choisit pas son immigration. Quand la misère pousse certains à emprunter d'autres chemins, moi j'aimerais bien qu'on le pousse aussi, mais dans le caniveau. Comme ça il verrait combien les tout petits vivent d'en haut. Arrêtons les simagrées, arrêtons les enchantements. Faut qu'ils comprennent avant tout qu'on n'est pas là pour l'argent. Travailler plus pour gagner plus, on vivra bien entouré de banques. Faut qu'ils comprennent, mordicus, qu'on n'est pas là pour belle, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle perd toute sa raison à cause d'un gnome et de ses chiens. Exécrez la tolérance et les rêves de liberté. Vous êtes les bienvenus en France, mais montrez-moi vos papiers. À la première venue, elle est belle, elle me plaît, et pas qu'un peu, et je crois qu'elle m'a vu. Tout doucement je m'approche, sur ses formes je ricoche, elle est belle comme un ange. C'est pas que ça dérange, je sens que ça m'approche, mais elle s'en va. La la la la, la la la la, la la la la, elle s'en va. La la la la, la la la la, la la la la. Thank you. fusillé, pas mal de revers. Des claques dans la gueule, t'es pas mérité. Des coups de pied, derrière moi ça me fait pas peur. J'ai des équipements partout, je peux les éviter. Elle m'applaudit tout le temps, mais je sais pas si c'est parce qu'elle veut que je me casse sans un joli plaid. Mais moi je m'en fous, tous les petits pensées, je rêve qu'un jour je me poserai sur ses lèvres. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. C'est bien sucré sans faire délicat à mon battre son cœur. Car je suis une mouche qui aime une femme. Ne me demandez pas pourquoi je suis comme ça. Si vous trouvez sa bouche, je m'en vais pas. Et puis voilà. La la la la la la la la la la. C'est comme ça. La la la la. Je ne sens plus mes ailes. Mon ange est au-dessus de moi, elle est toujours aussi belle. Je ne suis pas par terre, mais je suis pourtant pas dans les airs. Je crois que je suis dans ses mains, je sens encore son parfum, j'ai le cœur brisé. J'ai le corps brillé, mais je suis quand même heureux de vous avoir aimé, même si c'est un amour sans retour. Je vous dis, j'ai fait mouche pour toujours.